se lève et ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Ouais, ouais. A chaque fois que ça part, c'est que du banc. C'est normal, c'est Cargal, production. C'est de la part, valorise, moteur, nos habitants. Pour le peuple, ça dépend. Dites-leur que ça serait temps qu'on fasse notre buzz et que ça se répand. Et que ça vient du cœur et que ça détend. Et ça déclenche pour ceux qui gueulent, qui pètent les plans, qui pleurent, qui te lâchent, et ça le boucan. Faut que c'est les keufs qui squattent les bancs. Non, y'en a marre de rire qui flash les dents. Ils veulent quoi? Qu'on brasse leur sachet blanc pour avoir une place dans leur marché blanc. Non, quand on se lève et ça repart, ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas, sans beau pas. Quand on se lève et ça repart, ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas, sans beau pas. Quand on se lève et ça repart, ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas, sans beau pas. Quand on se lève et ça repart, ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas, sans beau pas. Qu'est-ce tu me parles, toi pas, t'as le froc qui cale. Et t'écoutes la pop, t'as les jolies femmes. Et tu portes leur bonnet d'âme. Et tu vis sous coque et doliprane. Non, tu rêves encore de trèfle à quatre pétales. La tour Eiffel et de la capitale. Ici c'est la côte, c'est tropical. Musical, il paraît qu'il est chaud le sable. Mais les faux sont punissables. Dès qu'ils franchissent la ligne, infranchissables. C'est-à-dire le digne, le dépôt des cœurs guérissables. C'est normal que je sorte au sable. Et je m'en fous que je reste méconnaissable. Alors te casse, c'est du pur Cargal. Le mic R-A-Z-I. Quand je tombe, je me lève et ça repart. Et ça repart. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Ok, ce monde n'est pas stone, Sharon Bush, la merde. Ils s'étonnent pourquoi la frousse émerge. Ils balancent des bombes qui touchent nos bleds. Ils veulent quoi? Qu'on ferme nos bouches, nos bêbes. Non, on s'embrouille leur jour de fête. Non, on veut pas votre bout du cake. On se méfie de vous les traîtres. Alors gardez votre vie de fake, votre vie de club. Quoi? Alors quoi? Vous voulez savoir si mes pas sont vrais? Non, ne cherchez pas à nous manœuvrer. On vit le bien, le mal de près. Et le but c'est de pas sombrer. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Ça repart. On encaisse, on se rappelle sans beau pas. Sans beau pas. Quand on tombe, on se lève et ça repart. Eh ouais, on encaisse, on se rappelle sans beau pas. Eh ouais, c'est Mike R-A-Z-I. Avec mon album L'Imprévisible 2004. J'suis là, systématique, prolifique, valorise. Ouais.